إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال حديثنا متواصلا مع تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية، وهو من تأليف الدكتور محمد بن سعد الشويعر. ومحمد بن سعد الشويعر كان مستشارا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وهو الآن مستشار لسماحة مفتي عام المملكة حاليا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى. donc nous continuons notre étude de cette authentification d'une erreur, d'une donnée historique autour du Wahhabiyya. Ce livre qui a été écrit par Dr Mohamed bin Saad Shouair, et Dr Mohamed bin Saad Shouair était le conseiller de son éminence Abdelaziz bin Baz rahmatullahi alayh. Il est actuellement le conseiller du mufti actuel du Royaume d'Arabie Saoudite, Cheikh Abdelaziz ibn Abdillah al-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala. Wa yaqulu Cheikh Shu'ar, fa qultu ma ra'yukum idha ittasa'na ma'a al-masadir wa baraza amamana min al-haqa'iq at-tarikhiyyah ziyadatan 'amma dhukir ma yadullu 'ala anna 'ulama'a biladikum wa hukkamaha qad ihtammu bi da'wati al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab 'indama harasa آل سعود على نشرها وتبليغها لحكام المسلمين بالمكاتبات وبعث المندوبين اقتداء بأسلافنا في أداء الأمانة وتبليغ ما قاموا من أجله أخذا من قول الله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، حيث خام حكام المغرب الأقصى وعلماؤه بالتقصي والمحاورة ثم اقتنعوا بسلامة هذه الدعوة. Et Cheikh Mohamed Chouar de dire, qu'est-ce que vous en pensez si on élargit notre recherche et on élargit les sources de notre recherche pour que les réalités historiques nous apparaissent encore plus claires que qu'ils ne le sont maintenant devant nous. Et ce qui va nous prouver que vos savants, les savants de votre pays ainsi que les gouverneurs de votre pays ont donné de l'importance et se sont occupés de la da'wa de Mohamed ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh, quand Al Saoud on met tout ce qui est en leur pouvoir et en leur possibilité pour propager cette da'wa et pour la transmettre aux différents gouverneurs de l'islam par les écrits qu'ils leur ont envoyés, par les délégués qu'ils leur ont envoyés, en prenant comme exemple leur puzzle d'Allah alayhim. Et ils ont transmis en mettant en application ce verset dans Sourate Zuhruf, verset 44, qui dit: c'est un rappel pour toi et pour ton peuple et vous allez être questionné. C'est un rappel pour toi et pour ton peuple et vous allez être questionné. Et les gouverneurs du Maroc ainsi que ses savants, par le débat, ont voulu savoir la vérité et ils étaient convaincus de la clarté et de l'authenticité de la da'wa de Mohamed ibn Abdul Wahhab. قال الحاضرون في المكتبة: نعم نريد المزيد بالشيء المفيد المقنع والموثق. قلت: سوف يكون ذلك إن شاء الله. ce qui était présent dans la maktaba du docteur Abdullah à Tétouan ont dit « D'accord, nous voulons plus » avec des choses qui sont convaincantes, qui sont accompagnées de preuves et qui sont intéressantes. Je dis « Ça va être Inch'Allah. » Thumma qultu la'allakum ta'lamuna anna l'imam Sa'oud ibn Abdul Aziz وهو الإمام الثالث من الدولة السعودية الأولى قد بعث بعدما دخل مكة في عام 1119 للهجرة رسائل لملوك شمال إفريقيا تونس والمغرب الأقصى وغيرهم يشرح فيها حقيقة التوحيد وأصول الدين الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم صافيا نقيا من الأمور التي أدخلت عليه وبلغه للناس بصدق وأمانة عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وهي رسالة من ثلاث صفحات حسب ما نشرتها مجلة ألمانية اسمها إسلاميكا مع دراسة باللغة الألمانية لما تعنيه الدعوة التي قاموا بها من أحد المستشرقين لغدي Peut-être que vous savez que Cheikh Chouar de dire à ceux qui étaient présents, peut-être que vous savez que l'imam Saoud ibn Abdul Aziz, qui est le troisième imam du premier état saoudien, a envoyé, quand il est rentré à la Mecque, au 1219 de l'Hégire, des lettres aux différents rois d'Afrique du Nord, à savoir la Tunisie et le Maroc, et d'autres. Pour leur expliquer la réalité du monothéisme et les fondements de la religion qu'a transmis Mohammed a.s. Pour leur expliquer la clarté du monothéisme et des fondements de la religion qu'a ramené Mohammed a.s. et qu'a transmis Mohammed a.s. avant qu'il y ait tout ce rajout dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Et Mohammed a transmis comme il se doit. Et cette risala, ce message, ou cette lettre du roi Saoud ibn Abdul Aziz est composée de trois lettres. Et il a été édité dans une revue allemande qui s'appelle Islamica. Et la revue allemande a accompagné ce truc avec une étude. Et une explication de la da'wa sur laquelle s'est accompli le tas saoudien par un des orientalistes qui a fait ses études. وكانت هذه الرسالة توضح بمحتواها ونصها العربي ما قام به الإمام سعود ووالده من قبله من عمل وفق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى دين الله على نور من الله يزيل ما قد يكون على قبل أذهان من أكاذيب قيلت عن الدعوة ونفاها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قبل وفاته سنة 1206 للهجرة وفي ردوده بقوله سبحانك هذا بهتان عظيم وقبلنا كذب على صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام كما في رسالته رحمه الله لعبد الله بن سحيم وهو من المعارضين له وفي رسالته إلى عالم بغداد الشيخ عبد الرحمن السويدي رحمه الله تعالى بعد أن بين لهذا الأخير عقيدته وما يدعو الناس إليه من إخلاص العبادة لله تعالى وإنكار ما فشاء في الناس من أمر الشرك من دعاء الأموات والالتجاء إليهم من دون الله تعالى. Et cette lettre, son contenu, en langue arabe, éclaire, donne des éclaircissements sur ce qu'a accompli Imam Saoud et son père avant, ces œuvres qu'ils ont accomplies selon l'ordre d'Allah. Et selon l'ordre du messager alayhi salam, en faisant la da'wa vers la religion d'Allah Azza wa Jal avec preuve pour dissiper toute ambiguïté qui a dû s'attacher dans l'esprit des gens et pour anéantir tout mensonge qui a été dit sur la da'wah de Mohammed ibn Abdul Wahhab et que Mohammed ibn Abdul Wahhab a refuté et a rejeté ces mensonges qui ont été collés à sa da'wah avant de mourir, rahmatullah alayhi, en 1206. Et dans ses répliques, souvent, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit « Gloire à toi Allah, ceci est un énorme mensonge et avant nous, on a monté sur la meilleure des créatures d'Allah Azza wa Jal, qui est Muhammad alayhi salatu salam, comme elle est dans la fin de sa lettre qu'il a envoyée, rahimahullah, à Abdullah ibn Suhaim. C'était un opposant à Muhammad ibn Abdullah. Et comme dans sa lettre qu'il a envoyée au savant de Bagdad, Cheikh Abdurrahman Souid, rahimahullah, après avoir montré à ce dernier sa aqida et vers quoi il appelle les gens, et comme quoi il appelle les gens vers la sincérité de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal et d'être sincère dans son adoration pour Allah Azza wa Jal, après que l'associationnisme s'est propagé entre les gens, après et que les gens invoquent les morts et qu'ils se réfugient auprès des morts en dehors d'Allah Azza wa Jal. فقام بسبب هذه الدعوة من عارضنا في ذلك وافترى علينا الكذب إلى أن قال فإني ألزمت من تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض الله ونهيتهم عن الربا وشرب الخمر وأنواع المنكرات فلم يمكن الرؤساء القدح فلم يمكن يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه لكونه مستحسنا عند العوام فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما آمر به من التوحيد وأنهى عنه من الشرك ولبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس وكبرت الفتنة جدا وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله منها إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه فضلا عن أن يفتريه ومنها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة ويا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون إيه s'est levé contre cette da'wa des gens qui se sont opposés à nous et qui ont inventé du mensonge sur nous jusqu'à ce que Mohammed ibn Abdul Wahhab, il ait dit dans cette lettre et je me suis imposé et j'ai imposé ceux qui me suivent et ceux qui sont devant moi d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat et d'autres et d'accomplir d'autres obligations d'Allah Azza wa Jal et je leur ai interdit riba, l'usure, l'intérêt et le fait de boire de l'alcool, et toute forme de blâmable, ce qu'a interdit Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les chefs n'ont pas pu critiquer tout ceci, parce que tout ceci, que ce soit riba, boire de l'alcool, tout ce qui est blâmable, l'awam, le commun du musulman, hein, ne le trouve pas bien. Et ainsi, les têtes ont commencé à nous critiquer, et inventer des mensonges. Leur adversité les a amenés à inventer des mensonges et à dire que l'unicité que nous, vers laquelle nous appelons et le fait que nous interdisions l'associationnisme, ceci est en divergence avec la situation sur laquelle sont les gens. Et la fitna s'est agrandie. Et ils ont réuni beaucoup de monde autour contre Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et sa da'wa. Ils ont propagé des mensonges que même la raison ne peut pas compter, que quelqu'un qui est doué de raison a honte de propager. Et encore moins, quelqu'un qui est doué de raison ne va pas inventer ce genre de mensonges. Et il y a parmi ces mensonges que je vous ai cités, comme quoi je rends mes crayons tous ceux qui ne me suivent pas, et comme quoi je prétends que leurs mariages ne sont pas bons, et... C'est extraordinaire comment ça peut rentrer dans la raison de quelqu'un qui est doué de raison. Est-ce que ceci est dit par un musulman ou là par un kafir, ou là par quelqu'un qui a de la connaissance, ou là par un déraisonné qui a perdu sa raison? وبعد أن عدد أمورا كثيرا مما نسبت إليه قال والحاصل أن ما ذكر عنا من الأسباب غير دعوة الناس إلى التوحيد والنهي عن الشرك فكله من البهتان وهذا لو خفي على غيركم ما خفي عليكم. Et après avoir cité beaucoup de choses qu'on lui attribue, et beaucoup de choses qu'on a inventées, et beaucoup de mensonges qu'on lui colle, dit, et le résultat c'est que ce qui se dit sur nous, parmi, comme quoi on appelle les gens vers autre chose que l'unicité et on leur demande de, on leur interdit l'associationnisme, tout ce qui a été dit en dehors de ça, en dehors de l'appel vers l'unicité et vers le fait qu'ils délaissent l'associationnisme, tout il faut y inventer. Et ceci, si beaucoup ne le connaissent pas, pour vous, en tant que savant, vous devez le connaître. ثم قلت ومن رغبة الحكام والعلماء في المغرب التقصي نرى الحقيقة التالية. Et Cheikh Chouaïr de dire, et l'envie du gouverneur et des savants du Maroc voulait savoir la vérité, voir la vérité. Et partant de là, on va voir ces choses. نرى الحقيقة التالية أولا تأثر بهذه الدعوة واهتم بها وبمحتواها بعد الدراسة والتعمق سلطان المغرب الأقصى سيدي محمد بن عبد الله العلوي جد الأسرة الحاكمة الآن حيث قام بمحاربة البدع في بلاده كما حارب تشعب الطرق الصوفية ودعا إلى الاجتهاد وإلى انتشار السنة لأنه ذلك الوقت من أقوى حكام المسلمين ولأن بلاده قد اكتوت بنيران الباطنية العبيدية وأصحاب البدع مع تفشي الجهل والوهابية الرسطمية الخارجية الباطنية علاوة على الغزو الصليبي للشمال الإفريقي بعد سقوط الأندلس في أيدي الإفرنج. Quand on se pense sur l'envie des gouverneurs du Maroc ainsi que leurs savants, on se retrouve avec quelque chose que les gouverneurs ainsi que les savants du Maroc ont été influencés par la da'wah de Mohamed Ibn Abdelwahab. Ils lui ont donné de l'importance après étude, après une profonde étude. Ainsi, le sultan du Maroc, Sidi Mohamed Ibn Abdillah, le grand-père de la famille qui règne actuellement, a combattu les innovations dans son pays, a combattu les différentes formes et voies d'y aller le sophisme. Et il a appelé les gens, les savants, vers l'ijtihad. Et il a propagé la sunna. Car à cette époque-là, il était parmi les plus forts rois des musulmans et les plus forts gouverneurs de l'islam. Et son pays était touché par le batini et l'ubaydiya. Et par les gens de l'innovation qui ont propagé. Et avec tout ça, la propagation, l'ignorance était propagée, ainsi que le wahhabi al-rustumi al-khariji al-batiniya était propagé à ça. Et rajoute à tout ça les guerres des croisés en Afrique du Nord après la chute de l'Andalousie. وقد ذكر محمد جمعة في كتابه انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمورا من أعمال سيدي محمد بن عبد الله العلوي فيما يتفق مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحرصهما على تنقية التوحيد من البدع والشرك مع الله عز وجل. Et محمد جمعة dans son livre La propagation de la da'wa du Cheikh Mohamed bin Abdel Wahhab, il a cité certains actes de Sidi Mohamed ibn Abdelwahab qui vont de pair avec la da'wa du Cheikh Mohamed ibn Abdelwahab, rahmatullah alayh. Il a cité certains actes accomplis par Sidi Mohamed ibn Abdelwahab, l'Alaoui, le roi du Maroc, comme quoi ils sont compatibles, ils vont de pair avec la da'wa de Mohamed ibn Abdelwahab, rahmatullah alayhim jami'an. Et que les deux étaient acharnés à purifier l'unicité et à combattre l'innovation et à combattre l'associationnisme. هذا السلطان هو الذي وصفه المؤرخ الفرنسي شارلي جوليان في كتابه تاريخ افريقيا الشمالية الذي ترجمه إلى اللغة العربية محمد مزاري والبشير بن سلامة الذي مر بنا ذكره قبل قليل. السلطان qui est Mohamed ibn Abdillah al-Alawi, c'est celui qui a été décrit par l'historien français Charles-Léandre Julien dans son livre « L'histoire d'Afrique du Nord » qui a été traduit en langue arabe par l'ancien ministre de Tunisie Mohamed Mzali et par al-Bashir ibn Salama. Et le livre, il a été cité dans le cours d'hier. « فَقَرَأْنَا فِي الْجُزْءِ الثَّانِ قَوْلُهُ وَكَانَ سِيدِ مُحَمَّدْ وَهُوَ التَّقِيُّ الْوَرِعِ علم بواسطة الحجيج بانتشار الحركة الوهابية في الجزيرة العربية وتأييد آل سعود لها وقد أعجب بعباراتها وكان يؤتر عنه قوله أنا مالكي المذهب وهابي العقيدة وقد دابت به حماسته الدينية إلى الإذن بإتلاف الكتب المتساهلة في الدين والمحللة لمذهب الأشعرية وتهديم بعض الزوايا. Et nous avons lu dans le deuxième tome du Cheikh Rahmatullah Alayh du livre de l'histoire d'Afrique du Nord de André Julien que Sidi Mohamed ibn Abdillah al-Alawi, le sultan du Maroc, était un homme pieux, un homme wara' et qu'il a su par l'intermédiaire des pèlerins que la da'wa Mohammed ibn Abdelwahab était propagée en Arabie, et que Al-Saoud, la famille régnante, faisait triompher cette da'wa. Il a été fasciné par les expressions de cette da'wa. Et on rapporte de lui qu'il disait, Rahimahullah, je suis maliki dans le madhab, et wahhabi dans l'aqida. Je suis maliki au niveau du madhab, mais wahhabi au niveau de l'aqida. Et son enthousiasme religieux est allé jusqu'à donner l'ordre à détruire certains livres qui étaient, qui donnaient des autorisations dans la religion, etc., et qui faisaient avenant la voie de l'Asha'ira. Il a donné l'ordre aussi de détruire certains confréries. Tanien, amma mu'arrikh al-Maghrib al-Aqsa, أحمد الناصري فإنه توسع في الجزء الثامن من كتابه التاريخي الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى ولا بد أن يكون موجودا ضمن محتويات هذه المكتبة فقال الدكتور عبد الله نعم. Deuxièmement, l'historien marocain, l'historien du Maroc, le Marocain Ahmed Nasser, rahmatullah alayh, ici il argit dans le huitième tome de ce qu'il a écrit sur l'histoire, Al-Istiqsa, fi tarikh al-Maghrib al-Aqsa, et Cheikh Chouardi, il n'y a aucun doute que ce livre est dans cette maktaba. Le docteur Abdullah a dit oui. فَلَمَّا أَحْضَرَهُ فَتَحْنَاهُ عَلَى أَحْدَاثِ عَامٍ 1226 فإذا هو يقول في هذا العام حج جماعة من المغاربة صحبة المولى إبراهيم بن السلطان المولى سليمان سلطان المغرب الذي خلف والده سيد محمد بن عبد الله العلوي فقال ابنه المولى إبراهيم ومن معه ما رأينا من ابن سعود ما يخالف ما عرفناه من ظاهر الشريعة وإنما شاهدنا منه ومن أتباعه ما به الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام من صلاة وطهارة وصيام ونهي عن المنكر وتنقية الحرمين من الآثام ثم قلت لهم هل من شهد له وأتباعه المولى إبراهيم بن السلطان سليمان ومن معه من علماء بعد المناقشة في مكة أثناء الحج 1226 للهجرة حيث قال الناصر عن الطريقة المتبعة في الركب النبوي الذي جرت العادة بخروجه من فاس على هيئة بديعة من الاحتفال وكانت الملوك تعتني به وتختار له أصناف الناس من العلماء والأعيان والتجار والقاضي وشيخ الركب وغير ذلك مما يضاهي ركب مصر والشام. Et quand il nous a rapporté Chouardi, rahmatullah, hafidhahullah, quand ils nous ont rapporté le livre, le huitième tome de l'histoire du Maroc écrite par Ahmed Nasri, rahimahullah, nous l'avons ouvert sur les événements de l'an 1226 de l'Hégire. Et là, Nasri dit, en cette année-là, un certain nombre de Marocains sont allés au pèlerinage en compagnie du Maoula Ibrahim, le fils du sultan. Le Maoula Suleiman, le sultan du Maroc, qui a pris la succession de son père, Sidi Mohammed ibn Abdillah al-Alawi. Et le Maoula Ibrahim, le fils du sultan Suleiman, et ceux qui sont avec lui, ont dit, nous n'avons vu d'Ibn Sa'ud rien qui soit en divergence avec ce que nous connaissons de la législation. Mais nous avons vu de lui, ainsi que de ceux qui les suivent, la droiture et l'accomplissement de la religion et de l'islam, que ce soit la prière, tahara, le jeûne, le fait de blâmer le mal, le fait de purifier les lieux sacrés de toute sueur. Et je suis hâte de leur dire, est-ce que celui à qui on attesté le fils du sultan du Maroc, ainsi que les savants et les gens qui étaient avec lui, hein, après le débat qu'ils ont eu avec Al-Saoud pendant ce pèlerinage de l'année 1226 de l'Hégire, puisque Nasser est dit pour nous décrire comment on envoie le cortège du pèlerinage à cette époque. Il a dit, il a coutume voulu que le cortège sorte de Fès en forme de joie, un cortège rempli de joie. Et les rois à cette époque donnaient l'importance à ce cortège. Il leur choisissait les nobles et les savants. Parmi les commerçants, le juge de ce cortège. Et le responsable du cortège. Il faisait un cortège pour être au même pied d'égalité ou pour être encore plus que le cortège d'Égypte, ou là le cortège de Cham, etc. Il en était ainsi des cortèges officiels qui partaient pour le pèlerinage à cette époque. هذا الركب بعلمائه ووجهائه بعد مناقشته مع الإمام سعود والعلماء هل يتفق مع عبد الوهاب بن رستم الخارجي الإباضي صاحب الوهابية الأساسية التي جاءت عنها الفتاوى أم أنها فرية من أعداء دين الإسلام وصدقها بعض المسلمين دون تمحيص ولا روية ولا رجوع للكتب التاريخية والعقدية الموثقة قالوا جميعا نحن معك واقتنعنا لكن كيف غاب على كثير من الباحثين ما رصد في مصادرنا مما لا يقبل الشك. Est-ce que quelqu'un à qui ont attesté le Moula Ibrahim, le fils du sultan, ainsi que les savants qui sont avec lui, les juges, etc., et tout le cortège qui était avec, ce cortège où il y avait des savants, il y avait des nobles, après que ces nobles et ces savants ont eu une discussion avec l'imam Saoud et ses savants, et les savants d'Arabie Saoudite à cette époque, est-ce que cette attestation de Moula Ibrahim et des savants qui étaient avec lui prouve que l'imam Saoud ou la da'wa de Mohamed Abdul Wahhab va de pair avec la da'wa de Abdul Wahhab ibn Rustam le Kharijit Ibadit, qui est le fondateur de cette Wahhabia duquel nous ont parlé les verdicts d'Afrique du Nord et des savants d'Afrique du Nord. Ou alors c'est un mensonge des ennemis de l'islam et que des musulmans ont pris comme véridique sans aller chercher la vérité et sans revenir vers les livres de l'histoire et vers les livres des dogmes sûrs et authentiques. Toute l'assemblée qui était dans la librairie ont dit oui, nous sommes d'accord avec toi et nous sommes convaincus. Mais comment tout ceci qui est écrit dont nos sources, beaucoup de chercheurs ne l'ont pas vu. Comment tout ceci a été caché et que les chercheurs ne sont pas tombés dessus? Qultu ay Cheikh Shouar, hafidahullah, wa likay azidakum wa yastafida minhu man yattali'u alayhi min ba'dina, fa inna an-Nasiri fi tarikhi hadha قد غطى حيزا كبيرا من أخبار هذه الدعوة بأكثر من 10 صفحات، وسوف أزيدكم من قوله، وهو من المؤرخين الموثوقين عندكم، وتاريخه من مصادر بلادكم المهمة. قالوا نعم. قلت: يقول الناصري عن السلطان سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي الذي بويع في فاس في حدود 1226، وقد كان معاصرا للإمام عبد الله بن سعود ووالده الإمام العالم سعود بن عبد العزيز الذي دخل مكة المكرمة في المرة الأولى حاجا سنة 1214 للهجرة الموافق لعام 1799 ميلادي، بأنه أراد أن يتحقق من ابن سعود وما يدعو إليه، فأرسل ابنه المولى إبراهيم في جماعة من علماء المغرب وأعيانه، ومعه جواب من والده، فوصلوا إلى الحجاز وقضوا المناسك وزاروا الروضة الشريفة، كل هذا على الأمن والأمان والبر والإحسان. Et je leur dis, je vais vous rajouter autre chose. Comme ça, ceux qui vont jeter, ceux qui vont ouvrir ce livre et ceux qui vont lire ceci, cette risala, ils vont avoir connaissance de ceci. Nasiri, rahimahullah, dans son recueil historique, a parlé beaucoup sur une dizaine de pages, c'est plus d'une dizaine de pages sur la da'wah de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayh. Et c'est un historien qui est, c'est une source de l'histoire chez vous les Marocains. Son recueil d'histoire est une source importante dans l'histoire de votre pays. Ils ont dit tous oui. Je redis, Nasser dit du sultan Sulayman Mohammed ibn Abdullah al-Alawi, à qui on a fait l'allégeance à Fès en l'an 1226, et il était contemporain de l'imam Abdullah ibn Saoud et de son père, l'imam l'alim Saoud ibn Abdul Aziz, qui est rentré à Mecca la première fois pour accomplir le pèlerinage au 1214 de l'Hégire, qui correspond au 1799 de l'ère chrétienne. Et le roi, le sultan du Maroc, voulait avoir une confirmation d'Ibn Saoud et avoir des éclaircissements sur la da'wah qu'il fait. Et lui a envoyé, le roi du Maroc lui a envoyé son fils Ibrahim avec un ensemble de savants du Maroc et avec certains nobles du Maroc. Et avec eux, une lettre, le fils du roi avait une lettre. Et quand le cortège royal marocain à la tête duquel il y avait le Moula Ibrahim, sont arrivés au Hijaz, ils ont accompli le rite du pèlerinage, ils sont allés à la mosquée du prophète alayhi salam, ils ont visité le cimetière, ils sont passés du côté du cimetière de la tombe du prophète alayhi salam et de ses deux compagnons. Tout ceci s'est passé en sécurité et en quiétude, et dans la dévotion et dans la bienfaisance. Et Nasser de dire: ثم أردف الناصر قائلا حدثنا جماعة وافرة من حج مع المولى إبراهيم في تلك السنة أنهم ما رأوا من ذلك السلطان يعني الإمام سعود ما يخالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة، وإنما شاهدوا منه ومن أتباعه غاية الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام من صلاة وطهارة وصيام ونهي عن المنكر الحرام وتنقية الحرمين الشريفين من القاذورات والآثام التي كانت بهما من غير نكير. Et Nasser de continuer de te dire, un certain nombre de personnes qui ont fait le pèlerinage avec le Moula Ibrahim cette année-là, on dit qu'ils ont vu le sultan, c'est-à-dire l'imam Saoud, ils ont vu de ce sultan, ils n'ont vu de lui que l'application de la législation. Ils n'ont vu de lui que des choses qui sont compatibles avec la législation de l'islam. Ils ont vu et la même chose de ses disciples. Ils étaient sur une voie droite. Ils accomplissaient les ordres d'Allah Azza wa Jal, la prière, la purification, le jeûne, blâmer le mal, purifier et nettoyer les lieux sacrés de toutes sieurs qui étaient là sans qu'on les blâme autrefois. وأنه لما اجتمع بالشريف المولى إبراهيم أظهر له التعظيم الواجب لآل البيت الكريم وجلس معه كجلوس أحد أصحابه وحاشيته وكان الذي تولى الكلام معه الفقيه القاضي أبو إسحاق إبراهيم الزرعي فكان من جملة ما قاله ابن سعود لهم إن الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة المحمدية فأي شيء رأيتمنا خالفناه من السنة وأي شيء سمعتموه عنا قبل اجتماعكم بنا. Et il disait, quand il y a eu la réunion du shérif, le Moula Ibrahim, le fils du sultan du Maroc, avec Imam Saoud, le gouverneur et l'imam de l'Arabie Saoudite à cette époque, l'imam Saoud lui a montré comment il vénérait, comment il respectait la noble famille du prophète alayhi salam. Il s'est assis avec lui par terre, comme il s'assied avec un de ses amis, de ses compagnons. Et celui qui a parlé à ce moment-là et qui a posé les questions et avec lequel il y a eu le débat entre lui et les savants et le roi d'Arabie Saoudite, c'est le faqih, le jurisconsulte, juge Abu Ishaq Ibrahim Zur'i. Et parmi les choses qui ont été dites par Ibn Sa'ud au cortège et aux savants et aux fils du roi qui étaient présents à cette assise, Ibn Sa'ud leur a dit: les gens prétendent que nous sommes en divergence avec la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que vous avez vu que nous faisons qui est en divergence avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce que vous avez entendu de nous avant que vous soyez réunis avec nous? فقال له القاضي بلغنا انكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم لجسميه المستوي فقال له ما عاد الله انما نقول كما قال الامام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب فهل في هذا مخالفه قالوا لا وبمثل هذا نقول ايضا ثم قال القاضي الزرعي له وبلغنا انكم تقولون بعدم حياه النبي صلى الله عليه وسلم وحياه اخوانه من الانبياء عليهم الصلاه والسلام في قبورهم فلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ارتعد ورفع صوته بالصلاة عليه وقال ما عاذ الله إنما نقول إنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره وكذا غيره من الأنبياء حياة فوق حياة الشهداء. Et le juge marocain Abu Ishaq Ibrahim Zur'i a dit: au roi d'Arabie Saoudite, il nous a été rapporté comme quoi vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'établit sur le trône d'une façon qui ressemble à un corps. Et le roi d'Arabie Saoudite lui a dit: par Allah, nous nous disons pour cet attribut qui est le fait d'être élevé au-dessus de tout, nous l'istiwa, élevé au-dessus de tout, nous disons comme disait l'imam Malik rahimahullah, que l'istiwa, il est connu, et le comment est ignoré de la raison humaine, et que poser la question sur le comment est une innovation, et croire en l'istiwa d'Allah azza wa jalla au-dessus de tout est quelque chose d'obligatoire. Est-ce que dans ça, nous sommes en divergence ou on a une divergence? Ceux qui étaient présents, ils ont dit non. Et c'est la même chose que nous disons. Et après, le Qadi Zur'i lui a dit: il nous a été transmis aussi que vous dites que le prophète alayhissalam n'est pas vivant ainsi que ses frères prophètes dans leur tombe. Et quand le roi d'Arabie Saoudite a entendu le nom du prophète alayhissalam, il a élevé la voix d'une sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, nous ne disons pas ça. Nous disons que le prophète alayhissalam est vivant dans sa tombe, ainsi que les autres prophètes alayhissalam, une vie qui est au-dessus de la vie des martyrs. Thalithan, thumma fi nihayati hadha al-hadith, qala an-Nasiri, وأقول إن السلطان مولى سليمان رحمه الله كان يرى شيئا من ذلك، ولأجله كتب رسالته المشهورة التي تكلم فيها عن حال متفقرة الوقت، يعني بهم رهبنة الصوفية، وحذر فيها رضي الله عنه من الخروج عن السنة والتغالي في البدعة، وبين فيها آداب زيارة الأولياء، وحذر من غلو العوام في ذلك، وأغلظ فيها مبالغة في النصح للمسلمين، جزاه الله خيرا. Troisièmement, dit Cheikh Chouar, rahimahoullah ta'ala, et à la fin de ce paragraphe, Nasser a dit, je dis que Sultan Moulay Ismail, rahimahoullah, voyait les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'il a écrit cette lettre qui est rentrée dans l'histoire, dans laquelle il parle du sophisme de son époque. Il parle du citasitisme de ses sophites. Hein, et il a averti contre le sophite, contre les sophies de son époque, contre le fait, il avertissait dans cette lettre contre le fait de sortir de la sunna et le fait d'aller aux extrêmes dans l'innovation. Et il a montré aussi le comportement qu'il faut avoir pour visiter ce qu'on appelle l'awliya. Et il a averti contre l'extrémisme d'Awam dans la visite des tombes. Il a été sévère. Il a été d'un grand conseil pour les musulmans, que Allah subhanahu wa ta'ala leur récompense comme il se doit. Inch'Allah, si l'occasion se présente, on lira cette lettre de l'Mawla et Sulaiman, rahimahullah ta'ala. كما قال أن إن المولى سليمان قد حدد خطبة تحت على التوحيد ومحاربة البدع وأمر بتوزيعها على مساجد الجمعة كما أمر بإغلاق زوايا الصوفية. Il continue de dire, le Moula Suleyman, il a écrit une fois une lettre dans laquelle il incite les gens, dans l'ordre, de se cramponner à l'unicité et de combattre l'innovation. Et il a donné l'ordre de distribuer cette lettre sur toutes les mosquées, dans toutes les mosquées où on fait le Jumu'ah, pour qu'il soit lu pendant le Jumu'ah. Il a ordonné aussi de fermer certaines confréries ديال الصوفية. وبعد الحوار الذي دار في أمور كثيرة مما نسب لهم قال الناصري ثم قال صاحب الجيش هذا ما حدث به أولئك المذكورون سمعنا ذلك من بعضهم جماعة ثم سألنا الباقي أفرادا فاتفق خبرهم على ذلك. Et après ce débat qui a eu entre eux, le cortège royal marocain avec ses savants et le roi d'Arabie Saoudite avec ses savants, Nasser a dit, le responsable de l'armée qui était dans ce cortège a dit, c'est ainsi, c'est avec ça qu'ont parlé tous ceux qui ont été cités. Et nous avons entendu cela d'un certain nombre parmi eux, et après nous l'avons entendu de chaque individu, et leurs paroles étaient unanimes et allaient dans le même sens, dans le sens de ce que nous avons entendu, qu'ils n'ont vu de la da'wa de Mohammed ibn Luhab et de Al-Sa'ud, que l'appel vers l'unicité et l'application de la sunna. ثم قلت هذه بعض الحقائق المقرونة بالحوار والرصد وكما وعدتكم بعدم الخروج عما هو في محيط منطقتكم حيث نشأت الوهابية الحقيقية وحيث لبس عليكم وعلى كثير من المسلمين أمر وحقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي قام بنشرها آل سعود. Et comme je vous ai dit, dit Cheikh Chouar, hafidahullah ta'ala, ce sont certaines réalités qui sont accompagnées avec le débat et les preuves. Et comme je vous ai promis de ne pas sortir des livres de votre entourage au niveau des écrits qui ont été écrits autour de vous, parce que c'est ici qui est née la vraie Wahhabiya, celle qui rendait mécréants les musulmans, qui est née en l'an 2, au 2e siècle de l'Hégire. Et puisque on a amené beaucoup d'ambiguïté dans l'esprit des musulmans en ce qui concerne la réalité de la da'wa de Mohammed ibn Luhab qu'a accompli et que Al-Saoud ont propagé. Wa illa, فإن الشيخ محمد الوهاب كما يتضح من رسائله وردوده التي طبعت جامعة الإسلام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كما مر بنا نماذج منها فيها نفي وتفنيد لما ألصق بدعوته من تهم وأكاذيب لم يقولها بل قد نفاها وكرر مرارا القول هذا بهتان عظيم. Sinon, Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, comme il apparaît clair dans ses lettres et dans ses répliques qui ont été éditées par l'université de l'imam Mohamed Ibn Sa'ud, l'université islamique, comme et nous avons eu connaissance de certains modèles de ses lettres dans lesquels il y a le fait qu'il ne reconnaît pas ce qu'on lui colle et ce qu'on colle à sa da'wa. Il rejette tous ses mensonges et qu'il ne les a pas dit. Et tout ceci a été répété à chaque fois à la fin de ses lettres de réplique. Il dit ceci est un énorme mensonge. فَكَيْفَ يُصَدِّقُ الْعَاقِلْ مَا قِيلَ مِنْ أُمُورٍ هُوَ فِي حَيَاتِهِ سَمِعَهَا وَنَفَاهَا كَمَا نَفَاهَا تَلَامِيذُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهَذَا كِتَابُهُ كِتَابُ التَّوْحِيدِ وَشَرْحُهُ فَتْحُ الْمَجِيدِ وَتَيْسِيرُ الْحَمِيدِ اقْرَؤُوهَا بِتَمَعُّنٍ وَتَدْقِيقٍ فإن رأيتم فيها شيئا يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلكم الحق في التشكيك ومثل ذلك رسائله ثلاثة الأصول وكشف الشبهات والقواعد الأربع وآداب المشي إلى الصلاة وغيرها. Comment quelqu'un qui est doué de raison comme véridique les mensonges qui ont été dit sur Cheikh Mohamed Abdel Wahhab rahmatullah alayh. Et ces mensonges Cheikh Mohamed Abdel Wahhab les a entendus et les a rejetés, comme les ont rejetés ses élèves aussi. Et voici son livre, le livre d'Yel Tawhid, et son interprétation Fath al-Majid, ainsi que son interprétation Taysir al-Aziz al-Hamid. Lisez-la avec méditation et avec minutie. Et si vous voyez quelque chose qui est en divergence avec ce qu'a transmis Mohamed alayhi salatu salam, vous avez le droit, dans ces cas-là, d'avoir des doutes. Et aussi, ces fascicules qu'il a écrits, les trois principes fondamentaux, ainsi que Kashf Shouat, les quatre règles, le comportement pour aller vers la prière, etc. Lisez-la. Et s'il y a quelque chose de divergence avec ce qu'a transmis le prophète, alayhi salatu wassalam, vous avez le droit d'avoir des doutes. Rabi'an yaqulu al-doktor Shou'ar rahimahullah ta'ala, amma al-doktor Abbas al-Jirari, wa huwa min huna min al-Maghrib. ولست أدري هل اطلعتم على محاضرتي في عام 1399 للهجرة بجامعة الرياض جامعة الملك سعود حاليا التي قال فيها إن التيار السلفي في المغرب قد ظهر مرة أخرى في بداية القرن الرابع عشر الهجري حيث وجه السلطان الحسن الأول عام 1300 للهجرة رسالة إلى الشعب المغربي وقد نوه عن هذا الناصر أيضا كما حصل مثل ذلك عام 1185 للهجرة عندما أرسل الإمام عبد العزيز بن محمد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين إلى والي مكة آنذاك لمناظرة علماء مكة فكان علماء من علماء مكة المشايخ يحيى بن صالح الحنفي وعبد الوهاب بن حسن التركي مفتي السلطان وعبد العزيز بن هلال فتفاوضوا في ثلاث مسائل وقت المناظرة ظهرت منها لهم الحقائق المقنعة بسلامة هذه الدعوة. Quatrièmement, le docteur Abbas al-Jirari. Et il est du Maroc, c'est un Marocain aussi. Et je ne sais pas, dit Cheikh Chouar, est-ce que vous avez eu connaissance de sa conférence qu'il a donnée à l'université de Riyad, qui s'appelle actuellement l'université de Roi Saoud, en l'an 1399, de l'Égypte, bien sûr. Et il a dit dans cette conférence, et le mouvement salafi au Maroc a refait son apparition au début du XIVe siècle, puisque le roi, le sultan du Maroc, Hassan Ier, a adressé un message en l'an 1300 à son peuple marocain. Et Nasseri de citer ceci aussi dans ce message du roi Alawit al-Hassan al-Awwal, rahmatullahi alayhim jami'an. Et ceci est arrivé aussi Et la même chose est arrivée en l'an 1195 contre l'imam Abdelaziz ibn Mohammed d'Arabie Saoudite, a envoyé Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah al-Hussein ou Walid ou Mecca à cette époque pour avoir un débat avec les savants de la Mecque. Et parmi les savants de la Mecque à l'époque, il y avait Yahya ibn Salih al-Hanafi ou Abdelhab ibn Hassan Turki Mufti Sultan ou Abdelaziz ibn Hilal, et ils ont eu un débat sur trois sujets. Et au moment du débat, la réalité convaincante a apparu, comme quoi la da'wa de Mohammed ibn Abdelhab et la da'wa qu'au fond triomphe Al-Sa'ud est une da'wa pure. ثم قلت اي شيخ شوعر ان علماء مكه ذلك الوقت كان عندهم شبهه كما هي لدى علماء المغرب وغيرهم حسب ما يتردد من اشاعات وما يصلهم من اكاذيب وافتراءات ينشرها المغرضون. الشيخ شوعر de dire les savants de la Mecque à cette époque, ils avaient les mêmes ambiguïtés qu'avaient les savants du Maghreb. Tout ceci est arrivé comment ces ambiguïtés? Ils sont arrivés avec ce que propagent les ennemis de la da'wa, ces mensonges qui sont propagés par les ennemis de la da'wa. وبعدما دخل الإمام سعود بن عبد العزيز مكة ثانية جرت مناظرات وإجابات على تساؤلاتهم وكان من علماء نجد الشيخ عبد العزيز الحصين والشيخ حمد بن ناصر بن معمر الذي عينه الإمام سعود قاضيا ومفتيا بمكة حتى توفي بمكة بعد ذلك. فحصلت القناعة من علماء مكة وصدر بها وثيقة وقعها الجميع بنفي الشبهات والأكاذيب حول الدعوة وطبعت عدة مرات. كنت le roi l'imam Saoud ibn Abdul Aziz est rentré une deuxième fois à la Mecque. Il y a eu un débat et il a répondu aux questions que se posaient les hommes de science à cette époque. Et parmi les hommes de science de Najd, il y avait Cheikh Abdul Hassan al-Hussein et Cheikh Hamd bin Nasser bin Amr, que le roi a désigné comme qadri et comme mufti de Mecca. Il est resté à ce poste jusqu'à sa mort à la Mecque. Et l'ensemble des savants de la Mecque ont été convaincus de la pureté de la da'wa de Mohammed ibn Abdelwahhab que faisait triompher Al-Sa'ud. Et ils ont écrit un pacte sur lequel ils ont signé. Et ce pacte, et cette lettre sur laquelle ils ont tous signé, dans laquelle ils rejetaient tous les mensonges autour de cette da'wa, dans laquelle ils anéantissaient, ils détruisaient toutes les ambiguïtés, a été édité à plusieurs reprises. ثم في عهد الملك عبد العزيز بعدما دخل مكة عام 1343 للهجرة حصل مثل ذلك مما أوجد قناعة بسلامة منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. Et à l'époque du roi Abd al-Aziz, quand il est rentré à la Mecque au l'an 1343 de l'Hégire, il y a eu la même chose, le même débat, ce qui a permis que les gens ont été convaincus après de la da'wa et de la voix du Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab, comme quoi c'est une da'wa pure et saine. وأزيدكم علما بأن القباب المبني على القبور في مكة هدمت أيام الشريف عون الرفيق ما عدا قبر السيدة خديجة في الفترة ما بين الدولة السعودية الثانية وقيام الملك عبد العزيز لإعادة الدولة السعودية في دورها الثالث. كان ذلك الهدم بمشورة الشيخ أحمد بن عيسى وتأييد من الشريف وبعض علماء مكة مما يدل على القناعة. Et à l'époque du roi Abd al-Aziz, quand il est rentré à la Mecque en 1343, donc il y a eu encore un débat. Et les gens et les savants étaient convaincus de la pureté de la voix de Mohammed ibn Abdelwahhab. Et cherchent de dire, je vais vous rajouter encore des données, que les mausolées qui étaient construits sur les tombes à la Mecque ont été détruites. À l'époque, il y avait Sharif Aoun al-Rafiq. Sauf la tombe de Sayyida Aisha qui a été détruite plus tard à une période entre le premier état et le deuxième état saoudien et l'accomplissement du roi Abd al-Aziz et l'élévation du troisième état saoudien. Et ceci, et cette destruction de cette tombe ainsi que de construction qu'il y avait sur la tombe de de Khadija était avec la concertation d'El Cheikh Ahmed Ben Issa, et il a eu l'approbation du shérif et de certains savants de la Mecque, ce qui prouve que tout le monde était convaincu de la pureté de la da'wa de Mohammed Ibn Abdelhab. ثم قلت أيها الأخوة مما دار من نقاش ومما وجدنا من نصوص نرى أن الوهابية لعيوبها نسبتها إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية خطأ محض وأن الوهابية التي صدرت عنها الفتاوى في كتبكم لا علاقة لها بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا تقارب بينهما لأن الخطين المتوازيين لا يلتقيان إيه الشيخ محمد بن عبد الشوعر دو لغديد الشيخ فخير. À travers ce débat qu'on a eu, à travers les textes que nous avons trouvés, nous voyons que les défauts qu'avait l'Ouhabiya attribuent cette Ouhabiya à Mohammed ibn Abdelhab. Et à la voix de Mohammed ibn Abdelhab, qui est la voix du puiseur d'Allah alayhim, est une erreur pure. Et que l'Ouhabiya, qui est concerné par les verdicts dans vos livres, n'a aucun rapport avec la da'wa de Mohammed ibn Abdelhab. Et il n'y a aucune liaison entre les deux. Et que deux lignes qui sont parallèles ne se rencontrent pas. ذلك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه يمقتون الوهابية الرسطمية كما مقتها علماءكم من قبل. لأن دعوة الشيخ محمد سلفية ولا يوجد فيها ما يخالف كتاب الله وصحيح سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. Pourquoi? Parce que الشيخ محمد بن عبد الوهاب ainsi que ses disciples détestent الوهابية الرسطمية. Comme la déteste, vous savons, avant, que la da'wa de Mohammed ibn Abdelhab est une da'wa salafia. Et dans cette da'wa, il n'y a rien qui est incompatible ou qui est en contradiction avec le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi sallatu wassalam. Kama baraza amamana anna ulama al-Maghrib barra'u ulama al-da'wa wa hukam al-Sa'ud alladina nasaruha ihya al-dinillah wa tajdida liman dhathara min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa imatatin lil-bid'ah indama tanadharu ma'ahum fi hajj عام 1226 للهجرة وظهر لهم كذب ما نسب للشيخ والدعاة لدين الله وعلى هذا بان لنا أن أربعة من سلاطين المغرب الأقصى اهتموا بهذه الدعوة وتبنوا نشرها في بلادهم. Il nous est apparu clairement devant nous que les savants du Maroc ont innocenté les savants de la da'wa, ainsi que les gouverneurs d'Al-Saoud, qui ont fait triompher cette da'wa pour la revivification de la religion d'Allah Azza wa Jal, et pour remettre à jour ce qui a été oublié de la sunna du prophète, alayhi sallatu wassalam, et pour anéantir les innovations quand ils ont eu ce débat avec eux pendant le pèlerinage de 1226. Et il est apparu aux savants du Maroc ainsi qu'à leur gouverneur que c'est faux ce qu'on attribue à la da'wa d'El Cheikh Mohammed ibn Abdelhab et à ses disciples. Et partant de là, il nous est apparu que quatre rois du Maroc se sont occupés de la da'wa de Mohammed ibn Abdelhab et ils ont pris ceux de la propager dans leur pays. وهؤلاء السلاطين الذين تبنوا دعوة محمد بن عبد الوهاب وتبنوا نشرها في بلادهم هم المولى السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي الذي كان معاصرا للإمام عبد العزيز بن محمد وتبلغ رسالة الإمام سعود. Parmi les rois et les gouverneurs d'Afrique du Nord et parmi les rois du Maroc qui ont pris sur eux de propager la دعوة de محمد بن عبد الوهاب dans leur pays, il y a premièrement le Mawla, le sultan Sidi Mohammed ibn Abdillah al-Alawi, qui était contemporain de l'imam Abdelaziz ibn Mohammed. Et il a reçu la lettre de l'imam Saoud. Taniyan, le Mawla Sultan Sulayman ibn Mohammed ibn Abdillah al-Alawi. ابن عبد الله العلوي الذي أوفد العلماء مع ابنه المولى إبراهيم وتناقش مع الإمام سعود بن عبد العزيز وعلماءه مع علماء الدعوة. Deuxièmement, le sultan Sulayman ibn Mohammed ibn Abdillah, qui a envoyé son fils avec une délégation de savants pour débattre avec l'imam Saoud ibn Abdelaziz et ses savants, avec ses savants sur en ce qui concerne la da'wa de Mohammed ibn Abdelhab. Talitan, al-Mawla Sultan Ibrahim ibn Sulayman ibn Mohammed ibn Abdillah, الذي تسلم الزمام الأمر بعد أبيه السلطان سليمان. Troisièmement, le sultan Ibrahim Ibn Suleyman, Ibn Muhammad, Ibn Abdillah al-Alawi, qui a eu les rênes du pays après son père Suleyman. Et c'est lui qui a été envoyé, hein, avec les savants, débattre avec l'imam Saoud, à l'époque de son père. Rabi'an, al-Mawla Sultan al-Hassan al-Awwal, fi am 1300 al-Hijra, waqtuhu fatratun bayna al-dawlati al-Saoudiyati al-Taniya, wa al-dawr al-thalith lihadhi al-dawla, alladhi qama biha al-Malik Abdul Aziz, min 5 Shawwal, am 1319 al-Hijra. Quatrièmement, le quatrième roi, c'est Hassan Ier, rahmatullahi alayhi, le sultan Hassan Ier, en l'an 1300. Et l'époque de Hassan Ier est une période entre les deux États, entre l'État saoudien, le deuxième État saoudien et le rôle du troisième État saoudien. Qui a été, ce troisième État saoudien a été accompli par le roi Abdelaziz à partir de l'an du 5 Shawwal de l'an 1319 de l'Hégire. كما أن الدكتور محمد تقي الدين العلالي رحمه الله اهتم بهذه الدعوة وهو فلالي من جنوب المغرب وقد كان تيجانيا ثم ما عرف حقيقة دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله حرص على نشرها في كل مكان ذهب إليه حتى استقر آخر عمره في المغرب فاس ثم تحول إلى الدار البيضاء حتى توفي رحمه الله وقد ألف رسالة عن التجانية وبطلانها ومثله الشيخ عبد الرحمن الإفريقي الذي كان سنغاليا تيجانيا فتركها وألف في ذم ما هم عليه كما جرت كتابات عديدة عن محاكمة السلفية في المغرب وعن انتشارها وتأثر قاداتها بعلماء الحجاز ونجد من ذلك التاريخ حتى اليوم وقد رد الأستاذ أحمد العماري الذي حقق رسالة الوتري وقال إن تحامله على السلفية تزمت شديد للطرقية على حسب السلفية والمحقق مغربي. Et où l'on est de même pour le docteur Mohamed Daqi Din Hilal, rahimahullahu ta'ala, qui s'est occupé de cette da'wa. Et Mohamed Daqi Din Hilal, il est du Tafilalt. Hein? Il est du sud du Maroc. Et il est titijani. Quand il a connu la da'wa de Mohamed Abdul Wahhab, rahmatullah alayhi, il s'est acharné à la propager dans tous les pays où il a été. Et au Maroc aussi, quand il s'est installé à Fès, et après il est allé à Casablanca, jusqu'à sa mort, il a propagé la da'wa de Mohamed Abdul Wahhab. Il a écrit une risala contre Tijaniya et contre le faux de cette voie d'El Tijaniya. Il en est de même de Cheikh Abdelrahman, l'Africain, qui était du Sénégal. Il était Tijani aussi. Il l'a laissé et il a écrit pour blâmer la voix d'El Tijaniyin. Il y a eu beaucoup d'écrits en ce qui concerne le jugement d'El Salafia au Maroc. Et comme quoi il est propagé. Et comme quoi les leaders de la Salafia au Maroc sont influencés par les savants d'El Hijaz et du Najd depuis cette époque jusqu'à nos jours. Et l'Oustad Ahmed Al-Ammari, qui a authentifié la Risala d'El Louatri, il a dit l'adversité qu'a cet homme sur Salafia, c'est une oppression de l'esprit, c'est une fermeture d'esprit. Et il l'a fait sur le compte d'El Salafia pour Sofia. Et l'authentificateur de cette lettre est marocain. Il dit que cet homme s'est acharné sur Salafia au profit d'El Sofia. Et que ceci, c'est d'un extrémisme et d'une fermeture d'esprit. Et cet authentificateur qui dit ceci, il est marocain. ثم قلت أرجو أن يكون في ذلك مقنع وكفاية وإن أردتم زيادة توضيحية أكثر سواء بنقل آراء العلماء من العالم الإسلامي أبو وجهات نظر وتحليل المستشرقين من بلاد الغرب الذين راقبوا الأحداث وتتبعوا مسيرة الدعوة فلا مانع لكن ذلك يحتاج إلى مصادر قد لا تتوفر هنا جلوغيدي الشيخ شوعر جيسبير كو سوسي convaincant. Et que suffisons pour vous convaincre. Et si vous voulez encore plus plus d'éclaircissement, soit en rapportant des opinions de certains nombres de sciences du monde islamique, soit avec des opinions et des analyses des orientalistes occidentaux qui ont observé les événements et qui ont suivi la voie de la da'wa, il n'y a aucun problème. Mais ceci, nous avons besoin de d'autres sources. Peut-être qu'on ne pourra pas retrouver dans cette maktaba. لذلك اقتصرت على علماء المغرب وحكماء وحكامهم لأن طارح الشبهة الآن مغاربة حيث يسهل الرجوع للمصادر من هذه المكتبة وذلك أقرب إلى القناعة أخذا من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه خاطب الناس بما يعرفون حتى لا يكذب الله ورسوله. C'est pour ça que je m'arrête aux savants du Maroc et à leur gouverneur, car ceux qui ont exposé cette ambiguïté sont des Marocains maintenant. Et qu'il est facile de revenir aux sources qui se trouvent et que c'est plus facile de prendre les sources qu'il y a dans cette librairie. Et ceci est plus convaincant. Et ceci nous permet de mettre en application la parole de Ali radiallahu anhu qui dit « Parlez avec, aux gens avec ce qu'ils connaissent pour qu'on ne démonte pas Allah et son messager alayhi salatu salam. » وقال صاحبنا كل ما ذكرت مقنع وواقعي وأزال بحمد الله الشبهات التي كانت تثار فما رأي الإخوة قالوا هذا صحيح ثم أردف قائلا لكن كيف أن هذه الإجابات المقنعة بين أيدينا وسهلة التناول وغاب عنا استجلاؤها. Et notre ami, c'est-à-dire le docteur Abdullah, a dit tout ce que tu as annoncé, il convaincant, il est réel. Il a, et toute la louange revient à Allah, Azza wa Jal, il a enlevé toutes les ambiguïtés qui étaient dans notre esprit. Qu'est-ce qu'il a vu, vous, les frères? Qui l'a vu, vous dites? Il s'adresse à l'assemblée qui était là. Quelle opinion vous avez? Il dit, ceci est vrai. Qu'est-ce que vous dites, vous qui êtes présent? Dis, c'est ce que tu as dit est vrai. Et il a continué de dire, mais comment? Ces réponses convaincantes sont entre les mains et faciles à prendre. Et ne sont passées à côté. قُلْتُ لَهُ هَذَا جَوَابُهُ عِنْدَكُمْ وَطَالِبُ الْعِلْمِ مَسْئُولِيَتُهُ أَمَامَ اللَّهِ عَظِيمًا فَلَيْسَ هُوَ كَالْجَاهِلِ الَّذِي يُلْقَى إِلَيْهِ الْأَمْرُ وَيُصَدِّقُ إذ يجب أن لا يحكم طالب العلم على أمر إلا بعد البحث والاستقصاء فالعامي ونصف المتعلم إن وجد له عذر إلا أن طالب العلم والأستاذ الجامعي لا يعذران لأن كلا منهما قدوة لغيره ولأن طلابه يأخذون عنه وينتظرون توجيهه وإزالة الشبهات من أمامهم. Je leur ai dit, pour cette question que vous posez, la réponse est chez vous. Le demandeur de science, il a une responsabilité devant Allah, Azza wa Jal. C'est pas comme l'ignorant. L'ignorant, on lui expose des choses, il les accepte, il les prend comme véridiques. Mais le demandeur de science, il ne doit pas juger d'une situation et prendre comme véridique une situation avant d'avoir cherché. Le commun et la moitié apprenti et le demi-apprenti, si on le retrouve, s'ils ont une excuse, le demandeur de science et le prof de l'université n'ont pas d'excuse. Car tous les deux, le demandeur de science et le prof de l'université, sont un exemple pour les autres et un modèle pour les autres. Et leurs disciples, leurs étudiants prennent d'eux et regardent d'eux et regardent comment ils s'orientent. Et ils attendent de leur prof de les orienter et de leur enlever les ambiguïtés qu'ils rencontrent. قال هل من الممكن أن تكتب بهذا الخصوص في صحيفة النور التي تصدر في تطوان بالمغرب مقالا؟ قلت نعم. ثم بعد أن عدت إلى المملكة بعثت لهم مقالا موثقا بمصادره. Et docteur Abdullah, il a dit, est-ce que il est possible que tu écrives pour ce sujet dans le journal Nour qui éditait à Tétouan à cette époque? Je dis oui. Et quand je suis revenu en Arabie Saoudite, je leur ai envoyé un exposé sur le sujet. وبعد أن نشر هذا المقال جاءتني رسائل إيجابية وسلبية عن صدى ما نشر عن الإوهابية فالذين تحدثت معهم رغبوا في زيادة المقالة حتى تصبح رسالة تضم معلومات أوسع يمكن طبعها هناك. Et quand l'exposé a été édité et propagé, j'ai reçu beaucoup de lettres, beaucoup de lettres. Dans lesquelles des lettres qui sont bien et d'autres lettres qui critiquent. Et ceux avec lesquels j'ai eu des discussions, ils avaient envie que j'augmente l'exposé pour qu'il soit un petit livre à éditer et qu'il soit dans lequel se trouve, où il y ait beaucoup de données et qu'il soit édité, qu'il soit à la portée de tout le monde. وقد استجبت وتم ذلك بحمد الله وحرصت على عدم الإطالة مع الإشارة للمصادر حتى يسهل على راغب الزيادة والحريص على توسيع المدارك معرفة الكتب المعينة له في إشباع رغبته. Et j'ai répondu à cette demande avec la louange d'Allah et toute la louange revient à Allah Azza wa Jal et je me suis acharné pour que ça ne soit pas long et j'ai désigné les sources pour que ce soit facile pour ceux qui veulent augmenter leur connaissance d'aller vers ces sources et pour rassasier leurs demandes. وقد طبعت هذه الرسالة للمرة الأولى في كتيب في تطوان بالمغرب في حدود عام 1407 للهجرة كما طبعت ثانية بعد ذلك بعد سنوات في الرياض عام 1413 الهجرة وقد حقق الله بها فائدة ونفعا. Et ce fascicule, ce petit fascicule, ce petit livre a été édité pour la première fois à Tétouan au Maroc en l'an 1407 de l'Hégire et une deuxième fois à Riyad en l'an 1413 de l'Hégire. Et beaucoup de gens ont profité de ce livre et ce livre a permis de dissiper beaucoup d'ambiguïté. وما ذلك إلا أن أعداء الإسلام والراغبين في فرقة المسلمين وأصحاب المآرب الخاصة أعاذ الله المسلمين من شرهم قد وجدوا في الوهابية الرستمية ثوبا جاهزا ألبسوه عاجلا هذه الدعوة السلفية الصحيحة في مقصدها ودعوتها خوفا من تجمع المسلمين ضدهم حيث يردونهم مثل الجياع الذين يلاحقون من يطعمهم كالأيتام على مائدة اللئام هذا من جانب وللتنفير وبت العداوة بين أبناء المسلمين من جانب آخر وليحققوا مآربهم بتوسيع دائرة الخلافات ولإثارات الشبهات في المجتمع الإسلامي. Et donc les ambiguïtés ont été dissipées par Allah subhanahu wa ta'ala a dissipé les ambiguïtés de l'esprit de ceux qui ont lu cette lettre. Et faut savoir que les ennemis d'Allah Azza wa Jal des Cheikh et ceux qui veulent la division de la communauté, et ceux qui ont des intérêts personnels, que Allah subhanahu wa ta'ala protège les musulmans de leur mal, ils ont trouvé dans le Habi al-Rostomiya, le Khariji al-Ibadiya, un tissu prêt, et ils l'ont habillé à la da'wa salafia, la da'wa de l'authentification, parce que c'est une da'wa, son but c'est authentifier, par peur, que les musulmans ne se réunissent pas contre eux et par peur que les musulmans ne se lèvent pas contre eux comme se lèvent ceux qui ont faim devant celui qui leur donne à manger et comme font les orphelins. La phrase a dit, je ne la traduis pas, je ne sais pas comment la traduire. Et je vais vous la redire en arabe et essayer de trouver cette traduction. حيث يردونهم مثل الجياع الذين يلاحقون من يطعمهم كالأيتام على مائدة اللئام. Et d'autre part, pour propager la haine entre les musulmans, et d'autre part, pour arriver à leur but et grandir la divergence entre les musulmans, et pour propager les ambiguïtés dans le monde de musulmans. وقد كان من المصالح التي تحققت بحمد الله من هذه الرسالة بعد طبعها للمرة الثانية أن أكثر من شخص من المرموقين أخبرت عنهم بأنه قد مرت بهم مواقف الجمهوريات الإسلامية المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي بعد انحلال الشيوعية، لأن فتوى انتشرت هناك استغل مروجها حماسة السكان إسلاميا وقصورهم في فهم العقيدة الصحيحة والمعارف الإسلامية. تقول هذه الفتوى إن قتل وهابي واحد أفضل من قتل 100 يهودي، حتى صار السلفي لا يسير منفردا، فاجتمع بعضهم ببعض العلماء وإمة المسجد هناك وأوضحوا لهم عن الوهابية الرسطمية وعن حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفق ما جاء في هذه الرسالة، فكان من ذلك جلاء للغشاوة وإزالة للشبهة بتصحيح المفهوم، وقد ترجمت للغات المحلية هناك فنفع الله بها. Parmi les bienfaits de cette lettre, et toute la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala, cette lettre a été éditée une deuxième fois après avoir édité cette lettre une deuxième fois. Beaucoup de personnes connues m'a été annoncé que beaucoup quand ils sont passés devant les positions qu'il y a eu dans les républiques islamiques qui se sont séparées de l'Union soviétique après la dislocation du communisme. Il y avait une fatwa qui était propagée là-bas et que certains ont profité de cette fatwa et ont profité de l'enthousiasme islamique qu'avaient les musulmans et du manque de leur connaissance et de leur compréhension du dogme authentique. Il fatwa disait que le fait de tuer un wahhabi est mieux que de tuer 100 juifs, à tel point que les salafis, à cette époque et là-bas, ne pouvaient pas sortir tout seuls et marcher tout seuls. Et certains parmi eux se sont réunis avec certains savants et certains imams de mosquées là-bas. Ils les ont éclairés sur le wahhabi al-rostomi al-khariji al-ibadiya et sur la réalité de la da'wah de Mohammed ibn al-Wahhab, selon ce qui continue dans ce petit livre. Et il est arrivé que le brouillard s'est dissipé, les ambiguïtés ont été anéanties et la compréhension des lois Wahhabiya a été authentifiée et cette risale a été traduite dans les langues de ces pays. Et il y a eu un grand bienfait par cette risala une fois qu'il a été traduite. والذي يجب أن يدركه كل مسلم مخلص أن الأعداء لا يكلون ولا يملون من ترديد شبهاتهم، ولكن المعرفة والتعليم ورد الأمور في دين الله إلى وصولها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين هما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا تمسكوا بهما لن يضلوا، وهما السلاح لمن يريد أن يجابها مكائد الخصوم وسمومهم. Et ce qui est obligatoire à comprendre, que tout musulman sincère doit comprendre, c'est que les ennemis d'Allah Azza wa Jal ne se fatiguent pas et ils répètent leurs ambiguïtés. Mais la connaissance et l'apprentissage et ramener les choses vers la religion d'Allah Azza wa Jal et vers les fondements de cette religion et vers le livre d'Allah Azza wa Jal et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est le conseil du prophète alayhi salatu wassalam. Et que si les musulmans se cramponnent au livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ils ne vont pas s'égarer. Ce sont les armes pour celui qui veut être sauvé de toute manigance des ennemis de la religion. Il veut être épargné des poisons des ennemis de la voie du plus aïeux. Et regardez-nous aussi qu'est-ce qui nous a poussé à vous lire ces passages de cette risala. C'est que quand on est arrivé dans cette ville, qui est la ville de Montpellier, on a trouvé que certains n'arrêtaient pas de mentir aux darons des jeunes qui suivent la voie du puiseur d'Allah Alim. En leur disant quoi? En leur disant attention à vos enfants suivent des wahhabites, vos enfants aussi des wahhabites. Et donc, ça veut dire, c'est des extrémistes, il leur dit. Tout ceci pourquoi? Combien la nuit d'hier, la soirée d'hier ressemble à celle d'aujourd'hui? Hein? C'est les mêmes choses qui se répètent et les mêmes ambiguïtés. Et les gens les gobent parce qu'ils n'ont pas connaissance. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie et je vais faire cette risala avec le dialecte marocain pour que nos darons puissent l'écouter aussi. Et comme ça, on coupera l'herbe sous les pieds de ceux qui critiquent cette da'wa qui est la da'wa de nos puissants. Ceux qui veulent que nos frères et nos sœurs tombent dans les girons d'Yal Hizbiya et du partisme des frères musulmans, et d'Yal Adl wal Ihsan, d'Yal Tabligh et autres, et d'Yal Khawarij, etc. كما أن الدارسين لهذه الدعوة خرجوا بنتيجة أنها ليست حزبا له تنظيماته وإنما هي تجديد لدين الله عز وجل على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وسلف هذه الأمة الأخيار. ثانيا أنها ليست مذهبا يخالف به معتنقو المذاهب الفقهية المعروفة. ثالثا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب سلفي العقيدة شأنه شأن كل من يدعو إلى منهج السلف الصالح في كل عصر ومصر يدعو إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. رابعا مذهبه في الفروع هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل مثلما أن هناك أحنافا سلفيون وشوافع سلفيون ومالكية سلفيون. Et il apparaît clairement à celui qui étudie cette da'wa, il sort avec ce résultat. Premièrement, que da'wa salafi et la da'wa de Mohamed ibn Abdul Wahhab, qui est la da'wa de salaf, ce n'est pas un parti qui a une organisation. Mais la da'wa salafia, ce n'est qu'une revivification de la religion sur la voie du prophète alayhi salam, de ses nobles compagnons et des plus aïeuls de cette communauté. Deuxièmement, il lui apparaît que la voix d'Yel Salaf, la voix de Mohamed ibn Abdullah, ce n'est pas un nouveau madhab qui est en divergence avec ceux, avec les autres madahib qui sont connus. Troisièmement, que Cheikh Mohamed ibn Abdullah, il est salafi dans sa aqida et sa situation est comme tout un chacun qui appelle vers la voie de ses puiseurs d'Allah alayhim à toute époque et en tout lieu. Il appelle vers l'unicité d'Allah et vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Quant à sa voie dans le furu', dans les détails de la religion, il est sur la voie de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahmatullah alayh. Et comme il y a des hanafites qui sont salafiyoun, et des shafi'ites qui sont salafiyoun, et il y a des malikiyoun qui sont salafiyoun, et des hanbali salafis. وقد بالنا لا من هذا الحوار أن أحد صلاطين المغرب وهو المولى السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي قال عن نفسه أنا وهابي العقيدة مالكي المذهب وهو لا يقصد الوهابية الرسطمية وإنما يرد بذلك على من وصم دعوة التوحيد الخالص لله بهذا النعت. ومثله قال عمران بن رضوان وهو من علماء بلدة لنجه بإيران في الجهة الشرقية من الخليج أنا وهابي لما بلغته دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو حنفي المذهب وقيل شافعي وقد مدح هذه الدعوة قائلا إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. Et partant de ce débat, nous apparaît que l'un des rois du Maroc qui est Sultan Muhammad, Sidi Muhammad ibn Abdullah al-Alawi, disait de lui, je suis un wahhabi dans l'aqida, et maliki dans le madhab. Et bien sûr, Sidi Muhammad ibn Abdullah ne veut pas dire, je suis wahhabi trostomite, loin de là. Mais il veut dire, il réplique à ceux qui critiquent, ceux qui désignent la droit vers l'unicité, comme quoi ce sont des wahhabi trostomite khawarij. Il leur réplique avec cette parole, je suis wahhabi dans l'aqida et maliki dans le madhab. C'est une réplique qu'il fait à ceux qui disent que la da'wa de Mohamed ibn Abdullah est la da'wa des khawarij. Et il a, comme lui aussi, Imran ibn Urdwan, qui est un des savants d'Iran, qui était vers la partie de l'ouest du golfe, dans la ville s'appelait Lanhej, en Iran. Il disait, je suis wahhabi. Quand il a compris ce que c'est que la da'wa de Mohamed ibn Abdullah, il a dit, je suis wahhabi. Alors qu'il était hanafi dans le madhab, on disait aussi qu'il était shafi'i. Et il a fait l'éloge à cette da'wa, il a dit, c'est celui qui suit Ahmed et Mutawahib, donc je confirme que je suis wahhabi. Ça veut dire, celui qui suit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est un wahhabi, donc je suis wahhabi. Je confirme que je suis wahhabi. On comprend de là que la da'wah de Mohammed ibn Abdelwahab, ce n'est que le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. كذلك الأمير الشيخ الصنعاني رحمة الله عليه محمد بن إسماعيل وهو من الميامم وجيها وعالما ومع أن مذهبه الفقهي زيدي فإنه درس هذه الدعوة وأحبها ومدحها ومدح الشيخ بقصيدة بدأها بقوله سلام على نجد ومن حل في نجد وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. الأمير الشيخ الصنعاني رحمة الله عليه محمد بن إسماعيل اليمن كان un noble savant, un grand savant. Sa voix dans le fiqh, il était zaydi dans la voix de le fiqh. Mais il a étudié cette da'wa, il l'a aimé. Il a fait l'éloge à cette da'wa ainsi qu'à Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab dans une poésie où il disait « Paix sur Najd et sur celui qui est arrivé à Najd », c'est-à-dire Mohammed ibn Abdelwahab. Et même c'est « Mon salut de loin hein, ne sert à rien ». Et là on voit son salut à Najd et à Mohammed ibn Abdelwahab, qui est arrivé à Najd, et il dit, même si mon salut de loi ne sert à rien. Wa mitlou l'imam Shoukani, rahmatullah alayh, min al-Yemen, wa sheikh doktor Mohammed Taqi Dil Hilal, rahmatullah alayh, marra ma'ana dhikru, wa min ulama il-Maghrib. Yaqulu doktor Mohammed Taqi Dil Hilal, rahmatullah alayh, en da'wati sheikh Mohammed ibn Abdelwahab, nasabu ila al-Wahhab khayra ibadatin, فَيَا حَبَّذَا نَسَبِي إِلَى الْوَهَابِ. Cheikh Dr. Mohammed Taqi Dil Hilal, rahmatullah alayh, nous l'avons cité tout à l'heure, fait partie des grands savants du Maroc. Et il disait de la da'wah de Mohammed Abdelwahab, dans une poésie qu'il a écrite, ils ont attribué à l'Wahhab, c'est-à-dire Mohammed Abdelwahab, la meilleure des adorations. J'aurais aimé être Wahhabi. قد استعنت بالله في إخراج هذه الرسالة المختصرة تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية حتى تسهل القراءة لأن المطولات في هذا العصر قد لا تقرأ إلا من ذوي الاختصاص وأرجو أن تتحقق منها الفائدة في إزالة اللبس وتنقشع الغشاوة التي أراد بها أعداء الإسلام والراغبون في الإضرار بالمسلمين ببلبلة الأفكار وبت الفرقة لعل الله أن يصحح المفاهيم وينيل الأذهان والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كتبه الدكتور محمد بن سعد الشويعر. Et je me suis, j'ai cherché aide auprès de l'Azza wa Jal pour sortir ce petit livre qui est l'authentification d'une erreur historique autour de l'Ouhabia. Pour qu'il soit facile au lecteur pour le lire, parce que de nos jours, les gens n'aiment pas ce qu'ils ont. Ils ne lirent pas, sauf ceux qui sont des spécialistes qui se penchent sur les livres longs. Et j'espère que ce livre va ramener un bien et va permettre d'enlever les ambiguïtés hein, que veulent instaurer les ennemis d'Allah Azza wa Jal, et ceux qui veulent faire du mal à l'islam, et ceux qui veulent perturber l'esprit du musulman. Il fait dua à la communauté. Et tout ce que je viens de vous lire, ce n'est que la cause pourquoi il a écrit ce livre. Et je crois que dans ce paragraphe, qui est composé d'une vingtaine de pages, il y a suffisamment de données et de clarté et de preuves pour dissiper ce nuage d'ambiguïté autour de cette da'wah de Mohammed ibn Abdelwahab, rahmatullah alayh. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ونسأل الله سبحانه وتعالى يسهلنا ويسهلنا ولكم طلب العلم والتفقه في دين الله وأن يرزقنا وإياكم اتباع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاء السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله